Bene ragazzi, vi ho chiesto di pranzare insieme perché vorrei il vostro parere su un lavoro che sto facendo. Siamo tutti attenti, spara! Ultimamente mi capita spesso di mediare tra condomini e mi domando quanto sia difficile per le persone cambiare stile di vita. Non dimentico che molti immigrati prima dell'arrivo in Italia erano abituati a vivere in case singole e alcuni persino in campagna. Se tra gli italiani ci sono conflitti, immaginiamoci tra gente di culture diverse. È vero, nessuno ci pensa mai. Quali sono i problemi più comuni? Ho raccolto molte informazioni. I problemi nascono ad esempio quando si vuole comprare o affittare una casa, e tutti dovuti alla non conoscenza delle regole, alla mancanza di comunicazione e alle barriere culturali. Ascoltate bene e dopo accetto tutti i vostri commenti. La maison. Le problème qui se pose devant chaque immigré, c'est la recherche d'un appartement à louer. Il y en a des règles fondamentales à suivre pour mieux chercher. Avant tout, il y a que le paiement du loyer doit être régulier. En plus, on doit laisser l'habitation en ordre telle qu'elle est en avant, sans oublier de demander toutes les informations à l'agence ou au propriétaire, au point de vue, le sauvage, le nettoyage des parties communes. De même, il faut respecter la date du paiement du bail. Pour le bail, ça veut dire le contrat pour louer le local. Selon la loi, avant de louer un local, le contrat doit être signé de la part du propriétaire et de la part du locataire. Ce contrat doit être enregistré avec le fisc. On va passer à citer les différents types de contrats. Il y a le contrat de 4 ans renouvelable automatiquement pour autres 4 ans, sauf si le propriétaire, pour des raisons, refuse le renouvellement du contrat. Il y a aussi le contrat pour le marché libre. Ce sont des accords qui se font entre le locataire et le propriétaire, basés sur un prix bas. Le contrat dure une période de 3 plus 2 ans. Il y a le contrat transitaire qui a une durée de 18 mois. Ici, on parle d'une brève période de location. Puis, il y a le contrat de location est utilisé lorsque une personne qui a loué un appartement décide de louer une partie à une autre personne à condition d'aviser le propriétaire de l'appartement. En ce qui concerne le contrat des étudiants universitaires, la pratique se fait aux municipaux. Enfin, il y a le contrat de complaisance, c'est un contrat libre. Il s'agit de donner à une famille ou bien à un ami un appartement d'y habiter pour une période. Une fois le propriétaire en a besoin, le local doit être immédiatement libéré. Sur le thème de la personne qui vit dans un immeuble en copropriétaire, il y a l'usage d'un espace commun et un autre individuel. Dans ce cas, il faut l'exigence d'une gestion commune. La figure de l'administration joue le rôle de la fourniture de toutes les informations aux locataires. Pour les dépenses mensuelles, ils sont nécessaires pour pouvoir utiliser les parties communes de l'immeuble. Il s'agit du nettoyage d'escaliers communs. Les dépenses se divisent proportionnellement entre les locataires pour les coûts d'entretien sans en pris en charge par la municipalité loyer. En ce qui concerne l'aide économique aux locataires, il y a un fonds en faveur des familles qui ont un contrat signé. La demande se présente à partir du 30 août au 30 octobre à la commune de résistance et au centre autorisé d'assistance fiscale, la CAAF, CAF, conventionné avec la commune ou la région de Lombardie. En Lombardie, les citoyens qui ont le droit de demander la contribution sont ceux résidant et ont une habitation en Lombardie, en possession d'un contrat valable, d'une carte de séjour au permis de séjour d'au moins 2 ans, un emploi régulier, d'une résidence en Italie d'au moins 10 ans ou bien 5 ans en Lombardie. Pour le thème de l'expulsion, c'est un ordre de la part du juge contre le locataire qui refuse de payer, de laisser libre le local pour une certaine date. Pour éviter ce problème, il est nécessaire savoir et respecter certaines règles. Par exemple, pour installer une antenne individuelle, on doit s'informer si ce n'est pas interdit et savoir s'il ne va pas créer des dégâts pour les autres condos. De même, on doit éviter l'accumulation excessive des objets sur les terrasses et les balcons. En ce qui concerne les invités et les frais des condos, il existe des limites pour occuper l'habitation. Ça veut dire Ils ont le droit d'occuper l'appartement seulement les personnes citées dans le contrat. Quand on auberge une personne à longue durée, la loi italienne demande à toutes les personnes, italiens et non, à identifier toute personne qui vit dans l'appartement. Pour le non-paiement des dépenses communes et les services publics condo, quand une personne refuse de payer les frais de service, les autres locataires payent sa part, mais ils seront remboursés de la part du propriétaire. Ce dernier demande l'expulsion à la personne qui n'a pas payé sa part. On va passer à parler pour le bruit et l'encombrement. Il est très important de respecter la tranquillité des autres. Le règlement du condo prévoit les horaires et les respects dans l'immeuble. De même, on va passer au problème avec les déchets ménagers. Il faut éviter de verser de l'huile de cuisson utilisée dans le levier. Ça peut boucher les canalisations et provoque des problèmes. Un autre problème qui se pose, c'est l'ordure. Il est très important de maintenir en ordre les espaces publics. Il faut utiliser les bacs à déchets et contrôler les sacs de poubelle avant de les jeter. Les condos sont tenus de conserver les aliments dans les espaces ouverts et ne pas déranger les autres avec des mauvaises odeurs. Pour l'utilisation des ascenseurs, le coût de l'utilisation et la maintenance de l'ascenseur est en prise en charge au nombre de locataires. Pour l'occupation de l'espace public, certaines fois, l'espace commun vient d'être occupé par des objets variés. Alors, il faut éviter ces emplois abusifs. Il faut de même éviter d'exercer des activités économiques. Dans l'appartement où vous habitez, il est totalement interdit d'exercer des activités pour développer l'économie en vendant des articles variés dans l'habitation. De même, il est interdit d'utiliser le garage comme usage résidentiel. Pour conclure, on va citer le problème de stationnement. Il ne faut pas stationner la voiture n'importe où et ne pas les abandonner pour une longue période. De même, on doit respecter l'utilisation du parking réservé seulement aux résidents de l'immeuble.